Radio. Sur Fadjet. Eh bien, salut, c'est Yo. Bienvenue à l'émission Live Music numéro 2. C'est chaque dernier mercredi du mois à 20h sur Fadjet. Vous le savez, pour moi la musique est vivante, alors le mieux c'est d'aller voir des concerts, que ce soit au bar du coin ou dans les salles. Lors de la première émission, le mois dernier, je vous avais annoncé que celle-ci serait intitulée Info Concert. Je vais vous donner donc plein de dates de concerts. Et comme la période des festivals arrive, ça ne manque pas. Alors je vous propose une idée, vous prenez votre camping-car, votre van, vous aménagez votre voiture, vous prenez votre vélo, sac à dos et on part ensemble pour un road trip sur les routes des festivals. Mais avant de démarrer, pour s'échauffer, on revient sur un grand moment de la semaine dernière. Certains d'entre vous y étaient, je vous ai vu. C'était à l'open air du Zénith à Nancy pour une soirée magique avec Véronique Sanson et Jean-Louis Aubert. Eh bien, on va se remettre un peu dans l'ambiance de cette soirée avec deux chansons. On va d'abord écouter Véro qui va nous interpréter une chanson sur ma drôle de vie. Et puis ensuite, on aura Jean-Louis qui nous chantera « Saute ». C'était donc la semaine dernière au Zénith, on était 15 000 à chanter, et c'est comme vous y étiez encore. Allez, c'est parti! Tu m'as dit que j'étais faite pour trop de vie. J'ai des îles dans la tête, et je fais ce que j'ai envie. Qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? La, la, la. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, le cas de tous ces emblèmes me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Est-ce que les autres te t'aiment? C'est drôle de poème, viens avec moi. On est partis tous les deux pour trop de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait de tout de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, ce que tu diras. Et si je te réponds, ce que tu diras. Si on parle d'amour, ce que tu diras. Si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres côtés, plus drôle de poème, et viens avec moi. Me donne tous ces emblèmes, me touche c'était Véro. On retrouve maintenant tout de suite Jean-Louis avec sa chanson de son dernier album, Saute. C'était Jean-Louis Aubert. Bon, vous êtes prêts à démarrer le road trip ? Allez, c'est parti. On va d'abord sur Paris pour y être le 27, donc après-demain. Et nous retrouver au Parc de la Villette pour un concert unique en France. Et j'ai le billet. On va retrouver un artiste américain, créateur du groupe Creedence Clearwater Revival, créé en 1967 et qui composa bon nombre de titres qui sont rentrés aujourd'hui dans le patrimoine de la chanson rock folk aux États-Unis et dans le monde. Les CCR, comme on les appelle, sont parmi les derniers avec Carlos Santana à avoir joué en 69 à Woodstock. En solo depuis environ 20 ans, il joue maintenant à travers le monde et reprend dans ses concerts ses compositions et notamment celles écrites pour CCR. Le voilà lors de sa dernière venue en France il y a 2 ans pour un unique concert aussi où il rend hommage à Tina Turner qui a repris depuis 72 et durant toute sa carrière sa chanson composée en 69 donc pour CCR. Et qui s'appelle Prune Marie. Voici John Fogerty. Il a 80 ans depuis le 28 mai dernier. Il est toujours en forme, comme quoi ça conserve le rock. Waking by the man every night and day, and I never lost a minute of sleep. Well, if you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river are happy to give. The big wheel will keep on turning. Proud memory keep on boiling. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Allez, on quitte Paris et on va maintenant direction la Somme, au château de Tillaulois, où depuis 2016 se déroule un fabuleux festival qui s'appelle le Rétro C'est Trop. Ce sera du 27 au 29 juin avec au programme les Scatalatines, les Sex Pistols avec Frank Carter, Le Vrai, les Strangers, Iggy Pop, Manu Chao et plein d'autres. Trois jours festifs. On retrouve Manu Chao dans ma chanson préférée de lui, La Vida Tombola. Un hommage à Diego, dit la main de Dieu, vous voyez de qui je parle. Et si vous n'avez pas vu le film d'Emir Kusturica de 2008, allez le voir sur les plateformes et vous m'en direz des nouvelles. Allez, Manu, c'est à toi. Desde Argentina, Armando Lío, ahí va Dieguito. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Hey. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. Sur la route. Thank you. Sembra Magnifique, Sting. Bon, maintenant, on quitte l'Erdre pour aller du côté de La Rochelle. La Rochelle, vous connaissez, sa côte, Fort Bayard, le Père Fouras, l'île de Léron, juste en face, mais surtout son célébrissime festival créé par le regretté Jean-Louis Foulquier, Les Francopholies, le temple live de la chanson française. Plus de 75 spectacles vont se dérouler du 10 au 14 juillet. Moi, je choisis le concert du 11 juillet, celui de Laurent Voulzy, qui va venir en acoustique. Tenez, comme ce soir-là, avec Belle-Île en mer, Marie Galante. Vous êtes sur Fadjet, live music. Pas douce la vie sur Fadjet, moi je vous le dis. Allez, on quitte La Rochelle, cette fois-ci on va vers le sud, direction l'Aude, Carcassonne, son joli château et aussi son magnifique festival à différents endroits du château qui se déroulera du 2 au 27 juillet avec des concerts et du théâtre. Viendront cette année Isabelle Adjani, Katia et Marielle Lamec, Francis Huster, M et l'Afro Pop Orchestra du Mali, Alanis Molissé, Robert Plant et Seven Grass, Ben Harper et plein d'autres. Mais moi, ma soirée, elle est réservée, ce sera pour le 28 juillet et le concert d'Alain Souchon avec ses deux fils, Ours et Pierre, et la venue exceptionnelle, évidemment, de Laurent Voulzy. On peut pas faire l'un sans l'autre. J'ai déjà vu ce spectacle sans Voulzy, et je vous assure qu'on passe une sacrée belle soirée avec les chansons de Souchon, c'est pas facile à dire, et plein d'anecdotes balancées par ses fistons, à mourir de rire, comme celle de la chemise bleue, qui vaut son pesant de cacahuètes. On retrouve Alain Souchon, avec ce soir-là, ses plus grands tubes, je vous donne même pas le titre, vous allez le retrouver en 5 secondes. Allez, c'est parti. Je marche tout seul le long de la vie que je me fais. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et je suis mal en ville. Peut-être. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait chier? Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Traîne, fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du musical. Mais je suis mal à la scène et mal en ville. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman. Moi je voulais les sorties de bord à la voile, la nuit barrer les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, je marche tout seul le long de la ligne, je me fais. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. De Carcassonne et on file parce qu'il faut être le 1er août à Colmar en Alsace pour la fameuse foire au vin. Bon, après un kilo de bretzel et l'apéro, avec modération, et une bonne choucroute, il sera temps de retrouver le soir au concert celui qui fait sa tournée d'adieu avant de repartir pour Los Angeles. Un certain amiral, toujours heureux de retrouver ses moussaillons. Je vais bien sûr parler de Michel Polnareff. Il est usé, l'amiral, hein, il y a 80 années, hein, mais il lui reste encore un peu de voix. Et il sait s'entourer des meilleurs musiciens toujours à chacun de ses concerts. Ce sera une belle soirée, ça j'en suis sûr. On le retrouve lors du début de sa tournée, cette année, début avril, avec une de ses plus belles chansons, Le Bal des Lazes. Allez, on écoute. Je serai pendu demain ma ville était parfaite. Où les châteaux, tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château. Le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz, recevait le grand monde, diamant, rubis, topaz, et blanche robe longue cachée dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser son fiancé. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aimait bien l'amour que l'on faisait tranquille, loin du château, dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi le fou l'entoise, moi je crevais de haine, caché dans le jardin, moi je serrais les poings, je regardais danser Jen et son fiancé. Thank you. j'espère qu'il nous chantera sa chanson aussi pour nous amener une dernière fois au paradis. Allez, c'est parti. Tout le monde a commencé. On quitte Colmar et on monte maintenant sur Paris pour terminer notre road trip musique live et cette émission aussi. Et s'il vous plaît, pas n'importe où, au Stade de France à Saint-Denis, le 9 ou le 13 août. Non pas du foot au programme, c'est les vacances, ça fait du bien. Mais deux concerts très attendus du mythique groupe AC/DC, créé en 1973. Leur seul passage à Nancy, c'est au Zénith, plein air, comme on l'appelait à l'époque. C'était il y a 29 ans. Ça ne nous rajeunit pas, ce fut un concert mythique devant 25 000 personnes et connu dans le monde entier puisqu'il est sorti en CD, puis à une cassette VHS à l'époque, puis à DVD live du concert. C'était d'ailleurs le chaos à Nancy ce jour-là. Il y avait des kilomètres de bouchons, plus de 9000 véhicules sont venus de toute l'Europe alors qu'il y avait seulement que 5000 places de stationnement possible. C'est une panne de courant qui a coupé tout dans Nancy au cours de l'après-midi. Bon, on n'est pas prêt d'oublier ça. Bon, pour Paris, je vous rassure, tout ira bien. Mais il reste plus que quelques places encore pour le 13, le 9, c'est sold out. Alors faites vite, c'est un World Tour qu'il nous propose avec un best-of d'anthologie. Voici deux titres immortels. On va commencer par celui qui avait fait fureur. Et puis, c'est un extrait du concert de Nancy. On retourne en 1996 pour ce titre Highway to Hell. Thank you. coming down with us. Come on. And I'm going down. Yeah, yeah, yeah. I say, wow. I said, wow, oh baby, I think I got one more in me. I said, wow, the way you're going down, down, down, down the way. Quel souvenir! Bon, n'allez pas au Zénith, hein. C'est pas là qu'ils viennent, c'est à Paris. Hein. pas que vous trompiez et vous attendiez leur arrivée. Non, non, non, c'est bien à Paris qui seront les 9 et 13 août. On va terminer avec deuxième titre des AC/DC. C'est le célébrissime Hell's Bells qui a été joué à Pasadena en Californie il y a juste 2 semaines. Et je peux vous dire que Angus est toujours en short, chemisette, cravate, casquette à 70 balais. Et ils sont tous en pleine forme. Alors on les retrouve tout de suite. Thank you. super show cet été, moi je vous le dis, dans le festival. N'oubliez pas la palette, troisième week-end de juin. Bon, c'est l'heure de rester de grande l'antenne, comme on dit. L'émission se termine. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté une nouvelle fois Live Music. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur Fadjet.net ou sur le groupe Facebook Music Lab by Yo on Fadjet. On se retrouve le mois prochain pour cette fois une émission qui sera qui correspondra à une heure de concert avec un groupe ou un artiste master et avec des commentaires. D'ici là, n'oubliez pas que la musique est vivante. Alors allez voir des concerts partout. La bise à toutes et tous. Ciao.